Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle leçon de niveau avancé. Je m'appelle Christella. Et moi c'est Amaury, bonjour à tous, salut Christella. Aujourd'hui on a une leçon sur le JT. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez dû vous poser cette question en voyant le titre de la leçon d'aujourd'hui. Alors le JT, ce sont les initiales du journal télévisé. Cela correspond aux informations qui sont diffusées sur les chaînes télévisées en France. Voilà, on les appelle communément le JT. Oui, alors faut savoir qu'en France il y a 2 heures principales pour le JT. Qui sont 13h et 20h. On les appelle même le journal de 13h ou le JT de 13h et le journal de 20h ou le JT de 20h. Voilà, et même très communément, on dit aussi le 20h, tout simplement. Ouais. Donc beaucoup de gens regardent le journal télévisé, évidemment, pour s'informer. Ça se chiffre en millions de personnes qui regardent ces journaux télévisés, journalièrement, quotidiennement. Alors, comme c'est une institution française, quelque chose que beaucoup de Français regardent, on s'est dit qu'en tant qu'étudiant de français de niveau avancé, vous voudriez sans doute, vous aussi, écouter les informations, que ce soit à la télévision ou à la radio. Et on s'est donc dit qu'une leçon, justement, sur le JT pourrait peut-être vous aider à décoder tout ce vocabulaire du journal télévisé. Et nous avons essayé de retranscrire, ici dans cette leçon, un journal télévisé aussi réaliste que possible. En espérant que vous pourrez justement encore plus déduire certains mots de vocabulaire, certaines expressions et encore mieux vous y retrouver. Ouais. Bon, maintenant trêve de bavardage, Christella. Donc c'est parti, on va écouter le dialogue tout de suite. On va écouter le journal télévisé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le bilan provisoire de la vague d'attentats qui a secoué la ville de Bombay, poumon économique de l'ouest de l'Inde, se montrait à environ 400 victimes. Nous allons y revenir dans un instant. L'aéroport international de Bangkok est toujours occupé par des manifestants anti-gouvernementaux. Le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, est menacé de dissolution pour cause d'activités anti-laïques. La Cour constitutionnelle turque devrait se prononcer sur la question sous peu. Et le Zimbabwe est en ce moment en proie à ce qui semble être une épidémie de choléra. Les attaques coordonnées qui ont lieu en Inde, dans la ville de Mumbai, l'ancienne Bombay, ont été lancées par des terroristes lourdement armés dans 7 endroits différents, dont 2 hôtels de luxe et une gare. Elles auraient fait en tout plus de 400 victimes, une centaine de personnes auraient été tuées et 300 blessées. Une quarantaine de touristes occidentaux seraient toujours retenus en otage dans les 2 hôtels de luxe. Pour avoir plus de précisions sur la situation actuelle, nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant, Maxime Dessay, qui est en ce moment même à Mumbai. Maxime, est-ce que vous m'entendez? Maxime? Oui, Claire, j'ai un peu de mal à vous entendre. Excusez-nous, mesdames et messieurs, la communication ne semble pas bien passer. Nous allons donc retrouver Maxime Claire, quelques instants. Ah, Claire, je vous entends très bien maintenant. Ah non, la communication semble être rétablie. Oui, Maxime, vous êtes donc en direct de Mumbai. Alors, quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'on connaît le sort des touristes prisonniers et notamment des ressortissants français? Eh bien Claire, comme vous pouvez l'imaginer, la situation est extrêmement confuse pour le moment. La ville est dans une situation de chaos quasi indescriptible. Il est donc très difficile de recueillir des témoignages. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'un dispositif a immédiatement été mis en place par les forces de sécurité indiennes. La brigade antiterroriste et les commandos d'élite ont été déployés d'urgence pour arrêter les assaillants et libérer les otages. Parmi les victimes, il y aurait une dizaine d'étrangers. Aucun Français n'a pour l'instant été recensé par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires de ces attaques, Maxime? Oui, les attaques ont été revendiquées hier soir par leur... Claire? Claire? Vous m'entendez, Claire? Allô? Claire? Mesdames et messieurs, la communication a été perdue. Nous reprendrons donc contact avec notre correspondant dans quelques instants. Le trafic aérien en direction et au départ de la capitale thaïlandaise Bangkok est actuellement suspendu pour cause de manifestations. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons affaire à une leçon très riche aujourd'hui, qui comporte énormément de vocabulaire intéressant. Oui, tout à fait, Amaury, et le débit de parole est aussi assez rapide, comme c'est souvent le cas lorsqu'on garde les informations. Ouais. L'information centrale de ce journal télévisé concerne donc les attaques terroristes qui ont lieu en Inde, à Bombay, Mumbai. À la fin du mois de novembre, exactement. Bombay, qu'elle décrit comme étant le poumon économique de l'ouest de l'Inde. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par poumon économique ? Que c'est là que se situe l'activité principale économique dans l'ouest de l'Inde. Et donc qui fait vivre, en quelque sorte, qui est vital à l'ouest de l'Inde, donc le poumon, c'est une métaphore. Ouais. Et donc justement, la présentatrice veut donner un bilan provisoire de cette vague d'attentats. Donc attentat, c'est le mot qu'on utilise en général en français pour parler d'attaques terroristes. Et lorsqu'on a une succession, une série d'attaques de ce type, on parle d'une vague d'attentats. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé à Bombay. Donc vraisemblablement, cette vague d'attentats n'était pas encore terminée au moment où le journal télévisé a lieu, puisque la journaliste donne un bilan provisoire. Voilà, un bilan provisoire de ces attaques, c'est-à-dire un bilan qui n'est pas encore définitif, étant donné que les attaques ne sont pas terminées, donc on n'est pas encore sûr des chiffres exacts du nombre de victimes. Donc provisoire, qui veut tout simplement dire pour le moment, pour l'instant. Donc, on reviendra avec cette journaliste au sujet principal, mais juste après cela, elle présente les autres titres, dont le blocage de l'aéroport international de Bangkok et la menace de dissolution du parti au pouvoir en Turquie. Exactement, alors dissolution, je pense que vous avez deviné le sens, je tiens juste à préciser que ça vient du verbe dissoudre. Et la raison pour laquelle il est menacé de dissolution est qu'ils auraient pratiqué des activités anti-laïques. Donc on a ici ce mot anti-laïque qui comprend deux termes. Le premier est le terme anti, qui est en fait qui veut dire contre, et ensuite on a le terme laïque. Donc laïque, ça signifie qu'il n'a de lien avec aucune religion. Oui, et en fait, la Turquie est un état laïque. Il n'y a pas de religion d'état en Turquie. Et donc, pour savoir si cette dissolution va avoir lieu, la Cour constitutionnelle turque va se prononcer sur la question sous peu. Donc elle va prendre une décision sous peu, se prononcer sur la question. Une expression fixe. Mais ça ne s'arrête pas là parce que malheureusement, il y a beaucoup d'informations, de nouvelles qui ne sont pas très joyeuses. On vous l'a dit, c'est réaliste. Et donc la journaliste parle aussi du fait que le Zimbabwe est en ce moment en proie à ce qui semble être une épidémie de choléra. Donc cette expression « être en proie à ». Eh oui, le Zimbabwe est en proie à une épidémie de choléra, c'est-à-dire le Zimbabwe est ravagé par une épidémie de choléra. Donc maintenant, nous avons les quatre titres, mais le thème principal ici est ce qui se passe en Inde. La journaliste précise qu'une quarantaine de touristes occidentaux seraient toujours retenus en otage. Donc retenir en otage, c'est... C'est une expression fixe, c'est-à-dire qu'on les garde détenus contre leur volonté. Tout à fait. Alors, pour avoir plus de détails, elle fait appel aux correspondants de cette chaîne télévisée qui se trouve en ce moment à Mumbai. Alors, on peut voir qu'ils ont des petits problèmes de communication. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas rare, encore de nos jours dans les journaux télévisés, quand on a des journalistes qui sont envoyés ou qui se trouvent déjà dans des situations de conflit, de guerre, dans des situations où la communication est difficile, ce qui entraîne parfois des situations un peu risibles, un peu marrantes, puisqu'ils ont difficulté à établir la communication et donc à se comprendre. Oui, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Mais nos deux journalistes réussissent finalement à s'entendre, ils réussissent à pouvoir communiquer, et la présentatrice veut savoir quel est le sort des ressortissants français à Mumbai. En premier lieu, ils veulent savoir quel est le sort des Français qui se trouvent sur place. Quel est le sort des personnes qui ont la même nationalité. Donc ça a l'air assez difficile à établir, puisqu'on a une situation de chaos qui est quasi indescriptible. Donc qui est presque impossible à décrire. Exactement. Donc quasi, c'est pour dire presque, et indescriptible, comme vous l'avez sans doute deviné, qui est impossible à décrire. Donc ce qui entraîne évidemment une difficulté pour recueillir des témoignages. Donc pour remédier à cette situation, les forces de sécurité indiennes ont mis tout de suite un dispositif en place. Donc elles ont mis un ensemble de mesures, elles ont mis des moyens en œuvre pour pouvoir remédier à cette situation. Des moyens de défense pour faire face à cette attaque terroriste. Par contre, le journaliste, là, Maxime Dessay, a aussi plus d'informations concernant les personnes qui sont à l'origine de ces attaques, donc les commanditaires, mais aussi des personnes qui ont perpétré ces attaques, les personnes qui ont fait les attaques, qui sont les assaillants. C'est tout à fait ça. Donc, assaillant, c'est un mot qui vient du verbe assaillir, qui veut dire attaquer vivement et avec violence. Donc, quand on entend le mot assaillant, on pense pas à quelque chose de vraiment très gentil ou de très doux. Non, pas du tout. Loin de là. Mais malheureusement, ça ne dure pas très longtemps et la communication est à nouveau coupée. Et il n'a pas le temps de donner le nom des commanditaires. Voilà, il n'a pas eu le temps de dire par qui ces attaques ont été revendiquées. Donc, revendiquer quelque chose, c'est dire de manière publique qu'on est à l'origine de cette attaque et qu'on en est le commanditaire. Et donc, le pauvre Maxime Dessay se retrouve seul en Inde, puisque la communication a été perdue avec Claire. Et Claire qui a très bien géré la situation, d'ailleurs. Les présentateurs télé savent très bien faire ça, elle a très bien géré la situation, et elle continue à parler du reste des informations. Et passe au sujet suivant. Tout à fait. Et nous allons passer à nouveau au dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le bilan provisoire de la vague d'attentats qui a secoué la ville de Bombay, poumon économique de l'ouest de l'Inde, se montrait à environ 400 victimes. Nous allons y revenir dans un instant. L'aéroport international de Bangkok est toujours occupé par des manifestants anti-gouvernementaux. Le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, est menacé de dissolution pour cause d'activités anti-laïques. La Cour constitutionnelle turque devrait se prononcer sur la question sous peu. Et le Zimbabwe est en ce moment en proie à ce qui semble être une épidémie de choléra. Les attaques coordonnées qui ont lieu en Inde, dans la ville de Mumbai, l'ancienne Bombay, ont été lancées par des terroristes lourdement armés dans 7 endroits différents, dont 2 hôtels de luxe et une gare. Elles auraient fait en tout plus de 400 victimes, une centaine de personnes auraient été tuées et 300 blessées. Une quarantaine de touristes occidentaux seraient toujours retenus en otage dans les 2 hôtels de luxe. Pour avoir plus de précisions sur la situation actuelle, nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant, Maxime Dessay, qui est en ce moment même à Mumbai. Maxime, est-ce que vous m'entendez ? Maxime ? Oui, Claire, j'ai un peu de mal à vous entendre. Excusez-nous, mesdames et messieurs, la communication ne semble pas bien passée. Nous allons donc retrouver Maxime Claire. Quelques instants. Ah ! Claire, je vous entends très bien maintenant. Ah non, la communication semble être rétablie. Oui, Maxime, vous êtes donc en direct de Mumbai. Alors, quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'on connaît le sort des touristes prisonniers et notamment des ressortissants français ? Eh bien, Claire, comme vous pouvez l'imaginer, la situation est extrêmement confuse pour le moment. La ville est dans une situation de chaos quasi indescriptible. Il est donc très difficile de recueillir des témoignages. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'un dispositif a immédiatement été mis en place par les forces de sécurité indiennes. La brigade antiterroriste et les commandos d'élite ont été déployés d'urgence pour arrêter les assaillants et libérer les otages. Parmi les victimes, il y aurait une dizaine d'étrangers. Aucun Français n'a pour l'instant été recensé par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires de ces attaques, Maxime ? Oui, les attaques ont été revendiquées hier soir par leur... Claire ? Claire ? Vous m'entendez, Claire ? Allô ? Claire ? Mesdames et messieurs, la communication a été perdue. Nous reprendrons donc contact avec notre correspondant dans quelques instants. Le trafic aérien en direction et au départ de la capitale thaïlandaise Bangkok est actuellement suspendu pour cause de manifestations. Alors, comme vous le disiez précédemment, et c'est pourquoi nous vous présentons un journal télévisé aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important en France. Tout à fait, une véritable institution, et les grandes chaînes de télévision ont tout un journal télévisé. Oui. Alors, les grandes chaînes de télévision, c'est lesquelles ? En France, il y en a 6. Oui. 6 chaînes principales. TF1, qui est l'abréviation de Télévision Française 1, mais tout le monde dit TF1. Et il y a aussi France 2, France 3, Canal+, France 5 et M6. Mais celles qui proposent les 2 journaux télévisés les plus regardés sont donc TF1 et France 2. C'est ça. Donc il y a une petite rivalité entre les deux. Mais ce sont les 2 chaînes principales aussi. Et évidemment, elles veulent faire le plus d'audience possible. Ouais. Et un truc qui est intéressant à savoir, par contre, c'est les présentateurs télé les plus célèbres, je pense. Oui, parce que comme ces journaux sont très regardés, les présentateurs sont de fait très populaires en France. Exactement. Donc il y a Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, c'est l'abréviation de son nom. Il faut dire qu'il a un sacré nom. À rallonge, Patrick Poivre d'Arvor. Voilà, donc pour faire tout court, les Français l'appellent PPDA. Qui est une personnalité aimée en France. Voilà, et il y a aussi la très célèbre Claire Chazal, qui tout comme PPDA a présenté le journal de TF1 pendant très longtemps. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le prénom Claire dans le dialogue. Et la photo que vous pouvez voir sur le site internet FrenchPod qui accompagne cette leçon, c'est la photo en fait de Harry Roselmack, qui est le présentateur du journal télévisé de TF1 depuis environ 2 ans, depuis 2006. Oui, donc il a remplacé, oui, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Voilà, alors moi, juste avant de partir, j'aimerais juste dire que, juste pour que vous sachiez à quel point c'est une institution en France, chez moi, à la maison, on ne loupait jamais, jamais le journal de 20h. Quoi qu'il arrive, même si c'est Noël, le nouvel an, n'importe quelle occasion, mes parents, ils allumaient toujours la télé à 20h. Non, faut regarder le journal, c'est important, faut savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, même quand on était dans une situation très pressée, ou quand on devait se rendre, par exemple, à une fête pour un mariage, ou le jour du nouvel an, pendant qu'on était en train de se préparer, de se maquiller, tout ça, ils allumaient la télé, ils mettaient le journal de 20h, ils mettaient le son à fond, pour qu'on entende dans toute la maison. Le journal, quoi. Moi, tu veux que je te dise, c'était la même chose chez moi. C'est vrai ? Exactement, oui. S'il y avait quelque chose qu'on ne loupait pas à la télé, c'était vraiment le journal de 20h, quotidiennement. Ouais, vraiment tous les jours. Voilà, donc une journée sans le journal télévisé, c'est une journée pas normale. Ouais. En tout cas, on espère que cette leçon vous a plu, même si elle a été un challenge pour certains d'entre vous. Vous découragez pas, il y a le dialogue qui est retranscrit sur le site frenchpod.com. Aussi, il y a tout le vocabulaire qui est repris sur le site internet, qui est écrit. Vous pouvez aussi télécharger le PDF. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on aimerait vraiment avoir votre avis, ce que vous avez pensé de cette leçon. Donc, à très bientôt, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.